réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 octobre, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Dans un instant, Jean-Michel Delacomté, pour notre série consacrée à Montaigne, Montaigne l'auteur introuvable, aujourd'hui 4e épisode, La nature perdue de l'homme. Et puis en deuxième partie, je recevrai Afi Dagoun pour son dernier roman, Anne F., autour d'Anne Frank, bien entendu, c'est édité chez Plon. Tout de suite, tête chercheuse, Jean-Michel Delacomté. Montaigne, l'auteur introuvable par Jean-Michel Delacomté. Aujourd'hui, 4e chapitre, bonjour. Bonjour. 4e épisode, La nature perdue de l'homme. Oui, alors c'est l'homme en général, mais c'est aussi l'homme Montaigne en tant qu'écrivain. D'ailleurs, incidemment, on sait assez peu de choses sur lui, vous savez, c'est curieux. Hein, sur sa vie, il y a plein de zones d'ombre. Mais enfin, lorsqu'on parle de la nature perdue de l'homme, c'est bien quand même tout l'enjeu des essais. Pourquoi ? Parce que on disait hier l'importance de l'absence dans l'amitié en particulier. On verra aussi l'importance de l'absence au sein même de la langue. Ça s'appelle la poésie. Mais la nature perdue de l'homme, pour une raison assez simple, c'est que Montaigne essaye de retrouver l'homme originel au-delà de tous les aléas de sa propre vie. C'est ça l'autoportrait de Montaigne. Retrouver cet homme perdu. En ce qui le concerne, par ailleurs, je crois qu'il est tout à fait utile de souligner une opposition. On parlait de la Boétie hier, et comme beaucoup de gens le savent, la Boétie a écrit un petit ouvrage admirable, s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », dans lequel il dit que l'homme est dénaturé en acceptant la servitude. L'homme dénaturé, pour la Boétie, c'est l'homme asservi. Et bien Montaigne, c'est pas ça. Pour lui, l'homme dénaturé, c'est beaucoup plus, je dirais pas plus intéressant, c'est un peu différent, c'est même très nettement différent, c'est l'homme, non pas qui est asservi, mais qui a servi. Non pas du verbe servir en l'occurrence, mais qui a servi les autres. Et l'exemple qu'il donne, et je crois qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait sur l'amitié et les sauvages et les mondes disparus, les mondes perdus, l'exemple type de l'homme qui a servi les autres, ce sont ces Pizarro et Cortés, les conquistadors espagnols, qui ont détruit les nouvelles Indes qu'ils ont essayé même pas de coloniser en vérité, mais qu'ils ont profondément détruit. Voilà l'homme dénaturé pour Montaigne, dénaturé. Et lui, il essaye de retrouver ce qu'il en est de l'homme, indépendamment de ce que la société en fait. Et donc, il va chercher du côté des Indiens. Et bien sûr, de lui-même, il y a une équivalence de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'il dit dans le portrait au lecteur, ah, si je pouvais me mettre à nu comme les sauvages, les cannibales, je le ferais. Et c'est ce qu'il essaie de faire dans les essais. Essayer de trouver la nature avant toute existence, au sens philosophique du terme, si j'ose dire. Hein, qu'en est-il de l'homme? Sauf que, vous le noterez peut-être, ou on le notera peut-être, le XVIIIe siècle et les Lumières aussi ont postulé un homme originel avec Rousseau. Un homme qui serait bon. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Montaigne, qui à mon avis était beaucoup plus réaliste, compte tenu d'ailleurs des circonstances historiques qu'il rencontrait, l'homme n'est pas bon pour Montaigne. Ça, c'est une chose. L'homme est fondamentalement, il peut avoir de la bonté, il faut l'éduquer à être bon, mais il y a une racine de cruauté qu'il remarque chez les enfants. Il n'y a, sous cet angle, aucun optimisme chez Montaigne. Je disais, deux, trois jours, je crois, l'homme des adieux. Il faut dire aussi, en lisant Montaigne, adieu à une certaine innocence de l'homme. L'homme n'est pas innocent. Non pas à cause de la chute. C'est pas du tout de la chute originale. C'est pas ça du tout, son histoire. Il n'est pas innocent parce qu'il a en lui une cruauté native. Alors, vous dites, pour Montaigne, l'homme, c'est un corps animal. Un corps animal et l'esprit dans les nuages. Mais d'abord, un corps animal. Oui, tout à fait. Ça, c'est sa dimension, justement, sa dimension naturelle. Hein? Alors, par exemple, en ce que l'homme obéit à des besoins naturels, manger, boire, se nourrir, ou il a besoin de satisfaction naturelle, et notamment la copulation. Ça, c'est la partie animale de l'homme. Et pour Montaigne, l'animal, c'est un écologiste, hein, Montaigne, avant oui. la lettre. Oui. Hein? Très nettement, il le dit. Je suis naturiste. C'est-à-dire, en fait, on dirait aujourd'hui, il est écologiste. Je dis pas dans un schéma partisan, mais il a une idée très valorisante des animaux, parce que les animaux nous renseignent, nous donnent une indication sur la nature même de l'homme, la nature originelle, l'homme dépouillé, si vous voulez, de tous ses artifices, de tous ses vêtements artificiels. Sur le plan imagé, hein, ouais. que lui apporte à l'homme. C'est bien de le préciser, Jean-Michel de la Comté, que c'est sur un point de vue imagé, pas parce que pour Montaigne, et ça vous le dites, c'est la nature qui fournit le nécessaire, la civilisation, juste le superflu. Absolument. Et vous savez ce que c'est le superflu ? C'est le désir. L'homme est perdu, en même temps c'est sa grandeur, on le dirait aujourd'hui, mais l'homme est perdu par le caractère furieux, désordonné, variable, enfin complètement incohérent, irrationnel on dirait, de ses désirs. L'homme est un être de désir, mais l'homme a cependant un substrat animal qui le sauve, d'une certaine façon. Qui le sauve, parce que ça le rapproche de la nature. La nature, pour Montaigne, d'une certaine façon, mais c'est pas seulement pour Montaigne. Chez quelqu'un comme Ambroise Paré, c'est un peu la même chose à l'époque. La nature a quelque chose de parfait. Parce que les besoins et les moyens de satisfaire ses besoins sont parfaitement adéquats. L'homme, lui, c'est pas ça du tout. Le désir, ce qu'il caractérise, c'est qu'on cherche précisément ce qui nous fuit. C'est le superflu. C'est l'inutile. Et ça va jusqu'à la folie. Et la civilisation ? La culture. Et pour commencer, est Dieu dans tout ça ? Est Dieu chez Montaigne ? Inconnaissable, ailleurs, et il ne faut d'aucune manière essayer de rapporter ce qui se passe dans le monde sublunaire, de le rapporter à une quelconque influence divine. Dieu est ailleurs. Inaccessible, dites-vous. Inaccessible. On va retrouver ça un peu chez Pascal, d'ailleurs. Mais Dieu est inaccessible. On n'a pas à le mêler à nos affaires. On n'a qu'une chose à faire avec Dieu. Observer la foi, les règles de la foi, et s'y tenir. Tout ce qui concerne, c'est, n'oublions pas, époque de guerre de religion. Hein, c'est aussi le biais par lequel on peut dire que par bien des aspects, c'est notre contemporain, si on veut absolument faire un contemporain. Il est dans la résistance, donc. Hein? Il est dans la résistance, Montaigne. Il est dans la résistance. Oui, enfin, il est dans la résistance à... À l'ordre établi. Il est très légitimiste. Il est hostile. À sa manière, aux protestants, il est hostile à ce qui remet en cause la légitimité royale et donc, en l'occurrence, la légitimité du catholicisme à l'époque. Voyez, mais lui, il refuse d'entrer dans les débats théologiques. Ce n'est pas son affaire. Lui, on peut dire qu'il a la foi du charbonnier et il s'y tient et c'est tout. Voyez, c'est ça son affaire. Qu'est-ce qu'il pense au fond ? Moi, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il dit, c'est très clair. Observons les lois du pays dans lequel nous sommes, et notamment, observons les règles de la foi du pays en question. Donc, pour la France de l'époque, le catholicisme. Et il voit, au contraire, dans la réforme, un assaut, en quelque sorte, illégitime et profondément dangereux, et pour cause, et vous savez de quoi il parlait. C'est-à-dire, c'est ça, la guerre de religion, hein, tel qu'il le vit, lui. C'est une époque terrible, la moitié de sa vie. C'est la guerre de religion. Hein. 1560, 1598, rendez compte. C'est quand même un enseignement. Vous savez, je vais vous dire un truc. Lorsqu'on lit beaucoup Montaigne, et qu'on pense à l'époque dans laquelle on se trouve, avec les tensions religieuses, on se dit, il faut être extrêmement prudent dans la matière. Parce que les essais, c'est une œuvre qui est totalement perforée, je dirais, par l'angoisse de la violence, par le déchirement du corps social. C'est invivable. C'est invivable. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il écrit les essais. C'est un enseignement formidable à la prudence aujourd'hui, à la compréhension de l'autre. Parce que lui, Montaigne, tout favorable au catholicisme qu'il était, il n'empêche qu'il savait parfaitement reconnaître la valeur des uns et des autres chez les protestants. Il n'y a aucun dogmatisme chez lui. Aucun. C'est un homme de compromis. De compromis, ou c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il voit en essayant d'être le plus honnête possible? Oui, alors tout à fait, il y a ça aussi, parce que la notion d'honnêteté est absolument centrale. De franchise, comme il dit, c'est-à-dire de liberté. Être honnête, c'est être libre. Et donc, il y a une façon de rendre compte de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. Il essaye, dans ce qu'il dit, à travers ce qu'il dit, d'être au plus près de la vérité, de ce qu'il... de son expérience. Mais comme on disait il y a 2-3 jours, c'est difficile de rendre compte de ce honnêtement. Mais tel est son essai, justement. Hein? Bien sûr, la notion d'honnêteté est tout à fait fondamentale. Vous savez, il y a un chapitre, un essai très connu de l'utile et de l'honnête. L'honnête, c'est la vertu noble par excellence. L'honnêteté, l'honnête homme, c'est ça qu'il cherche, l'honnête homme. Hier, on parlait de l'ami recherché, c'est ça, il cherche, d'ailleurs c'est ce qu'il dit. Si, dans les essais, lorsqu'ils paraissent, si quelqu'un, un lecteur, un honnête homme, c'est le mot qu'il emploie d'ailleurs, me faisait signe, mais quel bonheur ce serait, Est-ce qu'il doutait de lui-même, de ses idées, de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, de ce qu'il écrivait, Montaigne? C'est une question très forte que vous posez. Parce qu'il y a au moins une certaine façon de philosopher, si je puis dire, ou de raisonner. Ou bien on procède. Vous allez très bien comprendre ce que je veux dire là, ce que j'essaye de dire. Il faut être modeste. Il était modeste, ça, le père Montaigne. Moi, je trouve que c'est une bonne leçon aussi. C'est que, ou bien on procède par ce qu'on appelle des oppositions ou bien et. Vous voyez ? Lui, il va dire, l'homme n'est pas ou fou ou saint. L'homme est... et fou et saint. Tout ça pour dire que c'était pas exactement le doute chez lui. C'est la volonté de faire un compromis entre les contraires apparents. C'est pour ça qu'il a une pensée englobante. J'ai allé plus loin que ça. Il a une pensée, je veux dire, à mon avis, il a une pensée enveloppante. Et je dirais que sa pensée sous cet angle est une sorte de caresse. Et c'est extrêmement important. Il n'exclut pas, il englobe, il marie, il conjugue. Et c'est aussi pour ça qu'on continue, je crois, même sans très bien le savoir, qu'on continue à lire. Il est caressant, Montaigne. Et en plus, il est drôle. Merci beaucoup, Jean-Michel de la Comté. Je rappelle que votre ouvrage entièrement consacré à Montaigne, édité par Fayard, et qui a pour titre « Adieu Montaigne », sort la semaine prochaine. Merci d'être venu. On se retrouve demain pour le 5e et dernier chapitre de notre série « Montaigne, l'auteur introuvable ». À demain. À demain. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Rafid Haghoun. Bonjour. Écrivain, vous publiez donc chez Plon dans la collection Miroir Anne F, avec en couverture la photo en très gros plan d'Anne Frank souriante, une photo qu'on connaît. Le livre se présente comme une lettre adressée à Anne Frank par un professeur de lettres dépité quand il apprend qu'un de ses élèves a commis un attentat terroriste. Un peu plus que dépité d'ailleurs le professeur, puisqu'il pense d'abord se donner la mort. Mais il tombe sur le journal d'Anne Frank, qu'il n'avait pas relu depuis son adolescence. Et avec ce livre, et avec Anne Frank, il va passer une nuit particulière. Le roman se déroule donc en une nuit, la nuit du doute du professeur, et de deux temporalités qui se retrouvent, l'époque d'Anne Frank et celle d'aujourd'hui. Alors, faire revivre Anne Frank, relire son journal, c'est une des qualités de votre roman, Rafid Haghoun, c'est de faire découvrir ou redécouvrir Anne Frank, de partager le journal d'une jeune fille de 15 ans aux jeunes d'aujourd'hui, et de raconter donc le symbole universel d'espoir et de courage qu'elle est devenue. Oui, c'était important. Quand on m'a proposé un roman dans cette collection, j'étais complètement libre de choisir le sujet. C'était pas une commande sur Anne Frank. Et donc j'avais réfléchi, donc c'était en novembre 2014, bien avant Charlie, et j'avais réfléchi à un sujet. Et je m'étais dit, c'est vrai que par rapport à notre époque, ce serait bien de réactualiser un peu cette jeune fille. On connaît tout et en même temps on connaît rien, parce que très peu d'adultes relisent le journal. Et je me suis dit, relis le journal et vois ce que tu ressens. Donc à 42 ans, relire Anne Frank, que j'avais découvert à 15 ans, c'était un peu une révélation, parce que il y a beaucoup de choses que j'avais pas vues. Alors justement, quelles sont ces choses qu'un adulte peut voir après coup et que vous n'avez pas vues quand vous étiez adolescent, parce que je suppose que, comme nous tous, Anne Frank, vous l'avez lu ado. Oui, c'est ça. C'est un livre qu'on lit à l'adolescence souvent. C'est une jeune fille qui écrit, qui est passionnée de littérature et qui vit des événements tragiques que l'on connaît tous. Et en fait, ce que j'ai vu à l'âge adulte, c'est plutôt la personnalité et le rapport qu'elle avait avec le monde et puis la précocité aussi. Une sorte de clairvoyance qui était que j'avais pas saisi quand j'étais ado. Avec le recul, on se rend compte que c'était vraiment une fille brillante. C'est pas seulement une jeune fille qui a eu la chance d'être célèbre parce que son journal a été publié et que son papa, Otto Frank, l'a défendu toute sa vie. Mais vraiment, il y avait les prémices de quelqu'un de grand. Et ça, je l'ai découvert vraiment cet hiver en travaillant sur le texte. Alors, sans tout raconter le livre, il faut l'inscrire au présent, car dans votre roman, il y a un attentat qui est commis à Paris lors d'un marathon, et l'une des personnes impliquées dans cet attentat terroriste est un ancien élève du professeur, du narrateur principal de votre roman, un jeune à qui, peut-être, il n'a pas su tendre la main au moment crucial, peut-être, la culpabilité l'accable, les questionnements qui le rongent sont-ils en partie les sentiments ou les interrogations que vous vous êtes posées au lendemain du 11 janvier, Hafid Haghoun ? En fait, ce sont des questions que je me suis posées donc avant l'attentat de Charlie Hebdo. Et le personnage du professeur, c'est vraiment un personnage qui me tenait à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur un professeur. Parallèlement à l'écriture, je donne des cours de soutien et je rencontre beaucoup d'enseignants dans le cadre de mes activités littéraires. Donc je rencontre beaucoup de collégiens, lycéens d'aujourd'hui, et je vois leurs peurs, leurs doutes, leurs questionnements, leurs déchirements entre eux, toutes les questions religieuses, identitaires. Et je me rends compte de la place vacante laissée à la littérature et à l'apport que ça peut leur donner, leur insuffler. Puisque pour ma part, à leur âge, ça a été très important de découvrir les livres. Et en fait, ce professeur, ça a été vraiment le moteur du livre. J'avais envie que par le biais d'une personne d'une autre époque, il y ait une espèce de reflet entre deux époques, entre deux questionnements, entre deux aspects très sombres qui peuvent nous frapper. Et j'avais envie justement que ce soit un livre qui pose la question du désespoir et de l'espoir. Et ce professeur-là, c'est un symbole. Son élève aussi. J'ai pas mis son nom de famille à l'élève. J'avais pas envie de mettre le nom de famille parce que j'avais envie de laisser une sorte d'ouverture sur son identité. Et tout ça a été écrit détaché de Charlie puisque c'était avant. Et quand Charlie est arrivé, j'étais en pleine réécriture. Donc on avait déjà validé le roman et je me suis posé la question de savoir si je devais continuer dans cette voie-là. Et en fait, justement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur de continuer et justement de poser ces questions qui étaient déjà là à l'automne. Et ce questionnement a été porté par cette figure d'Anne Frank qui est symbolique et qui est en même temps plus qu'un symbole. J'avais envie de dépasser le symbole, qu'elle soit réincarnée vraiment. Un extrait de votre roman, Anne F., Hafid Haghoun, lu par l'auteur à la radio ce matin. Anne, tu n'es pas vraiment morte. Tu resteras éternellement jeune, à l'image d'Edine et Monroe, que tu n'as pas connu et que tu aurais aimé. Figure d'un XXe siècle contrasté, déchirée entre les abîmes les plus inhumains et le glamour d'un monde moderne dédié à l'image et aux rêves, comme si la seule issue heureuse était la fiction. Mais ce n'est pas à l'icône que je m'adresse ici. Je veux écrire à la jeune fille brillante, qui aurait pu devenir une femme immense, un phare d'intelligence et de subtilité dans un chaos qui en a tant besoin. J'écris à l'adolescente qui promet tant et aux adultes pour qu'ils n'oublient pas. J'écris au début dans la vie et aux êtres qui cherchent un morceau de ciel du fond de leur misère. J'écris à l'espoir qui s'en va de mon corps, de mes pensées. J'écris aux parents qui veillent sur leurs enfants. J'écris aux enseignants qui nourrissent les jeunes esprits. J'écris aux libraires qui veillent sur les livres. J'écris à celles et ceux qui empêchent les ruines du savoir de se propager sur le monde. J'écris à celles et ceux qui transmettent et qui donnent. J'écris à celles et ceux qui se souviennent sans rancœur pour que l'avenir puisse naître. J'écris à la bonté qui ne meurt pas malgré le sang et les haines intarissables. J'écris à l'amour qui a quitté le cœur de Béjarel. Je t'écris à toi, et à travers toi à tous ceux qui te ressemblent. J'écris au néant et à la mort, avant qu'ils ne viennent à moi. Cette nuit, ce seront tes mots. Ce sera ton visage qui illumineront mes yeux intérieurs. Toi, Anne, toi, pleine de clairvoyance, d'impertinence. Toi, si vivante, petite lueur dans ma nuit. Toi qui guides tant de jeunes gens. Toi, l'innocence. Toi, l'espoir. Ici et ailleurs. À chaque époque. Toi, avalé par la fosse commune et revenu au monde, par l'écriture. Un extrait de Anne F. par Hafid Agoun, par l'auteur donc, c'est édité chez Plon dans la collection Miroir. Vous êtes né à Saint-Étienne en 1973, Hafid Agoun, oui. Et vous avez déclaré ceci: ma religion, c'est la littérature. Dès mes 15 ans, moi qui porte les trois grandes religions dans mes racines juives, kabyle et andalouse, amoureux de ma langue natale, le français, j'entrais dans les bibliothèques comme d'autres entrent dans un temple, une mosquée ou une cathédrale, avec ce sentiment du sens, du secret, du recueillement. Vous avez eu une éducation religieuse, Hafid Agoun ? Pas du tout. J'ai eu des parents qui travaillaient à l'usine et qui n'avaient pas du tout d'enseignement religieux. La seule religion, c'était d'être un enfant heureux, d'être solidaire avec mon petit frère, de m'occuper de lui, d'être attentif aux autres, de lire, de travailler à l'école, de ramener des bonnes notes, de respecter mes amis, des choses très simples, des choses très naturelles, des choses qui en même temps étaient porteuses et soutenues, défendues, surveillées par un père présent. Parfois sévère, mais toujours juste. Et même si à des moments dans l'adolescence, c'était assez difficile, cette pression de toujours être droit, je me rends compte que c'était une source d'inspiration et une force pour la vie d'adulte importante. Et je pense que c'est pour ça que j'aime aussi transmettre. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez été confronté au questionnement sur les racines, sur les origines, vous qui dites que vous avez plusieurs racines, à la fois juives, kabyles, andalouses? Ben justement, quand j'étais enfant, je me rendais bien compte que mes parents étaient issus de l'immigration, mais j'en ai pas vraiment souffert. On me disait toujours, mais t'as les yeux verts, t'es pas vraiment un arabe, t'es pas un kabyle, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas juif. Et j'avais pas trop de soucis ou de haine à mon encontre, et j'en entendais par rapport à d'autres personnes qui étaient plus typées ou dont les parents étaient musulmans, et j'en souffrais, mais par rapport aux autres, le regard que les uns avaient sur les autres, mais pas directement sur ma personne. J'étais un peu protégé par mon apparence, puisque très mélangé. Bon, j'ai hérité des yeux clairs de ma mère, du visage de mon père, donc il y a eu un mélange qui a fait que c'était une façade qui me protégeait un peu, mais j'entendais des choses j'ai rencontré beaucoup de personnes durant mon adolescence qui étaient un peu, on va dire, la racine de mal qui se répand un peu partout. Et qui est ? Des choses sur des propos racistes, des choses sur le fait d'être étranger, d'être différent, d'avoir un nom pas forcément chrétien, etc. Et moi, personnellement, ça ne me touchait pas, puisque ça ne me concernait pas directement, mais ça me donnait une espèce de vision du monde et une réalité aussi sur l'autre qui me faisait dire « ton père a peut-être raison, il faut peut-être travailler, être meilleur que les autres, puisque la place, elle n'est pas facile à créer, il faut se la créer. Voyons voir quelle est votre humeur du jour, Avidagoun. Choisissez à votre tour trois des questions de notre corbeille. Vous allez les découvrir en même temps que moi, ou en même temps que nous tous. Ouais. Alors, quelle est votre définition du bonheur? Bah écoutez, je pense que c'est une question très vaste et un bon sujet de philo d'ailleurs. Et je dirais que Montaigne, si j'en réfère à Montaigne, je m'en rapprocherais. Ce serait vraiment une définition liée aux autres et à l'humain. C'est-à-dire pas un bonheur personnel, mais un bonheur général. Je pense que si un homme est heureux, il peut répandre le bonheur. Et ça, c'est important. Deuxième question. Alors, dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter? Ah bah ça, j'aime beaucoup cette question, parce que j'ai fait histoire de l'art quand j'étais étudiant, et l'un de mes peintres préférés, c'était Egon Schiele. Donc j'aimerais être dans un de ses tableaux. Un tableau particulier? Le tableau de l'homme nu, c'est un autoportrait en fait. Et il est assez frappant, puisqu'on voit à la fois l'artiste et l'homme, et toute sa fragilité, et aussi une espèce de tension. Et vous, dans quel rôle vous voulez pénétrer ce tableau? Ben, j'aimerais être lui. Un bel autoportrait comme ça. Troisième question. Oui. Alors, est-ce que vous chantez? Ben, ça m'arrive sous la douche, comme beaucoup de personnes, très mal. Je chante très mal, très faux. Qu'est-ce que vous chantez? Très mal, très faux? Oh, des bêtises, même pas des chansons entières, j'en connais très peu. Donc j'essaye justement dans l'écriture de mettre un peu de musique par les mots, puisque par la voix, c'est assez difficile. Merci d'être passé ce matin à Avidagoun. Merci beaucoup. Retrouvons-vous en nous demain pour la suite de notre série consacrée à Montaigne, avec Jean-Michel Delaconté. Et en deuxième partie, je recevrai le dessinateur Cyril Pedrosa, qui publie peut-être la première grande bande dessinée de la rentrée, Les Équinoxes. C'est chez Dupuis. Bonne matinée, à demain. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne, ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.